بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc ceci est la deuxième partie de l'explication liée au dernière question que j'avais posée sur les cours numéro 6 à 8. Et j'avais exposé dans la première partie trois points. Tout d'abord, une rectification d'une erreur de traduction dans l'édition traduite en français par les dans la version traduite en français par les éditions Ibn Badis du livre que nous étudions. Le deuxième point était une rectification, était un éclaircissement sur la question numéro 6 portant sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Jabbar. Et le troisième point que j'avais abordé dans la première partie était une explication liée à la question numéro 4 sur les quatre choses qu'incluait, ou les quatre choses qu'inclut la foi au destin. Et donc aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, dans cette deuxième partie, nous allons aborder deux points. Le premier étant, ou portant, sur la question numéro 2. La question numéro 2 que j'avais posée, et qui était la suivante. Choisis la phrase exacte que j'avais donné, donc trois possibilités, trois phrases, trois choix. La première, Allah a créé les créatures et crée leurs actes. La deuxième, ou le deuxième choix, Allah a créé les créatures, mais ce sont elles qui créent leurs propres actes. Et enfin, le troisième choix, Allah a créé les créatures et le bien qu'elles font, mais ce sont elles qui créent le mal. Et donc, pas mal de personnes se sont trompées sur cette question. Et j'ai trouvé opportun d'apporter une explication, tout d'abord, de la bonne réponse, puis une réfutation des deux autres réponses qui était donc erronée. Donc, la bonne réponse était la première, le premier choix, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et a créé leurs actes, tous leurs actes, bon et mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les créatures et il crée leurs actes également. Et la preuve de cela, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le Coran, à la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre, au verset 16, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Allahu khaliqu kulli shay'in » Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Et étant donné que les actes des créatures sont des choses, donc elles rentrent dans ce verset. Et de là, on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créées, tout comme il a créé leurs auteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et il a créé leurs actes, qu'il soit bon ou mauvais. Également, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, un verset encore plus explicite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalouna » Allah vous a créé, vous et ce que vous faites. et ce que vous faites, ni vos agissements, vos actes. Et ça, c'est dans la sourate As-Saffat, les rangées, au verset 96. Donc ce verset est explicite dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les gens et il crée également ce qu'ils font, leurs actes. Et ceci n'implique pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures. Et il a créé ce qu'elles font. Et il crée ce qu'elles font, comme bien et comme mal. Mais ça n'implique pas qu'il aime le mal. Mais il a créé le bien et le mal par sagesse, selon sa sagesse infinie. Afin que les gens se distinguent, notamment, fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir créé le bien et le mal, que ce soit un moyen par lequel les gens se distinguent, ceux qui vont vouloir faire le bien et ceux qui vont vouloir faire le mal. Et comme a dit un poète, الدِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الدِّدُّ وَبِدِدِّهَا تَتَمَيَّزُ الْأَشْيَاءُ. Une chose, la beauté d'une chose apparaît. La beauté d'une chose apparaît par son contraire. Et c'est par leur contraire que les choses se distinguent. S'il n'y avait pas de mal, alors tout le monde ne ferait que le bien et on ne saurait même plus, on ne saurait même pas ce qu'est le bien, car ce serait la seule chose qui existe. Et s'il n'y avait que le mal, on ne connaîtrait rien d'autre que cela, et donc on ne saurait pas ce qu'est réellement le mal. S'il n'y avait pas la pauvreté, on ne se rendrait pas compte du bienfait, de la richesse et des biens que l'on possède. Et pareillement, s'il n'y avait pas la richesse, s'il n'y avait pas de richesse, alors les gens ne se rendraient pas compte qu'ils sont dans un état de pauvreté. Donc, chaque chose se distingue d'une autre par son contraire. Et c'est pour cela, ça fait partie des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien et le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela. Il a créé les créatures, et il a créé leurs actes, les bons comme les mauvais. Également, parmi les sagesses qu'il y a dans le fait d'avoir créé le bien et le mal, c'est afin que les gens de bien réprouvent le mal et corrigent le mal et conseillent celui qui agit mal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je disais, a créé les créatures et tous leurs actes. De là, la bonne réponse était la première, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures et crée leurs actes. Après, bien sûr, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cela ne veut pas dire que l'homme n'a rien à voir et qu'il n'est pas responsable. Mais, comme Ceci nous a été expliqué par Allah subhanahu wa ta'ala et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les savants sont venus nous détailler. L'homme a le choix de faire le bien ou le mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé tout cela. Et la personne, lorsqu'elle va agir, elle le fait de son choix. C'est elle qui choisit de faire le bien ou de faire le mal. Lorsque vient l'heure de la prière, c'est toi qui choisis de prier ou de ne pas prier. Lorsque tu as l'occasion de faire un péché, c'est toi qui choisis de le faire ou de ne pas le faire. Et une fois donc que tu as choisi et que tu as fait l'acte, que ce soit un bien ou un mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette chose, qui a fait exister cette chose, qui a fait sortir cette chose dans la création, ton acte. Et ceci donc, le choix, nous amène au cinquième point que je voulais aborder et qui concerne la question numéro 5. La question numéro 5 qui avait été posée dans les dernières questions, dans laquelle je dis également « Choisis la phrase exacte ». Puis, j'ai laissé trois possibilités, trois choix. Le premier, l'homme n'a pas de libre arbitre, mais c'est Allah qui lui a imposé les actes qu'il fait. L'homme n'a pas de libre arbitre, mais c'est Allah qui lui a imposé les actes qu'il fait, qu'il y a contraint. Le deuxième choix, l'homme agit de son propre gré, même si cela contredit ce qu'Allah a prédestiné. Et le troisième choix était, l'homme a le libre arbitre, mais ces actes ne sortent pas de ce qu'Allah a prédestiné. Ces trois choix, et subhanallah, en disant cela, on voit bien également lorsque je dis que je te propose trois choix, puis tu as choisi une des trois réponses. Donc ton choix, c'est toi qui as décidé de cocher la première, la deuxième ou la troisième case. Par ta propre volonté, tu l'as fait. Ce qui prouve que l'homme a un libre arbitre. La première réponse qui dit « L'homme n'a pas de libre arbitre, mais c'est Allah qui lui a imposé les actes qu'il fait. » Cette parole, c'est la croyance d'une secte égarée qui sont les Djabrites. Les Djabrites. C'est pris du mot en arabe al-Djabr. Al-Djabr, qui est le fait d'imposer. Le fait d'imposer. Donc, ils ont été appelés Djabrit car ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé aux créatures les actes qu'elles commettent. C'est-à-dire que les créatures n'ont pas de choix. L'homme n'a pas de libre arbitre. L'homme n'a pas de libre arbitre. Allah ne lui a pas donné la possibilité de choisir entre le bien et le mal, mais lui a imposé tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait comme bien, c'est Allah qui l'a forcé et qui l'a contraint à le faire contre sa volonté. Enfin, sans qu'il ne le décide, plutôt. Allah subhanahu wa ta'ala l'a contraint à faire ce bien sans qu'il ne décide de le faire, sans que l'homme ne décide de le faire. Et s'il commet un mal, s'il commet un péché, ils disent, cette secte, ils disent, s'il commet un péché, c'est Allah qui l'a contraint à commettre ce péché et sans que l'homme n'ait la possibilité de décider et de choisir. Et cette croyance, il n'y a pas de doute que c'est une croyance fausse, car elle implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste. Parce que celui qui croit cela, que l'homme n'a pas de libre arbitre, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a imposé tous ses actes, tout ce qu'il fait, ça veut dire pour cette personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala choisit selon son bon vouloir qui il récompense par le paradis en le forçant à faire le bien et qui il châtie par l'enfer en le forçant à faire le mal. Ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a forcé et contraint tel homme à être dans le chemin du bien pour le mettre au final au paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et contraint tel autre homme d'aller de suivre le chemin du mal pour finir en enfer. Et il n'y a pas de doute donc pour celui qui réfléchit et qui dit, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ton Seigneur n'est injuste envers personne, comme il nous le dit. Donc, ceci prouve clairement la fausseté de cette croyance. Si elle implique cela, c'est que c'est une croyance fausse. Car elle implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit injuste, ce qui est faux. Et celui qui est contraint, il ne mérite ni éloge pour avoir accompli un bien, ni blâme pour avoir commis un mal. Lorsqu'une personne est contrainte, qu'elle fait une chose contre sa volonté, elle ne veut pas le faire et on la force à le faire. Tu forces quelqu'un à te faire une sadaqa, à te donner de l'argent. Tu forces une personne à te donner de l'argent. Est-ce que cette personne, le fait qu'elle t'a donné cet argent, est-ce qu'elle est récompensée pour ça? Est-ce qu'elle mérite des louanges pour ça, des éloges? Non. Et une autre personne, elle est forcée, quelqu'un la force à tuer. Il lui dit, si tu ne tues pas un tel, je te tue. Si cette personne, donc, elle agit, est-ce qu'elle mérite d'être blâmée et d'être châtiée pour cela? Non. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, par rapport à celui qui a été contraint à accomplir un acte de mécréance, hein, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans le Coran que cette personne, il ne lui est pas tenu rigueur de ce qu'elle a fait comme mécréance. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sauf celui qui a été contraint alors que son cœur reste plein de la sérénité de la foi. Donc, ça c'est en ce qui concerne le premier choix qui était donc que l'homme n'a pas de libre arbitre, hein, la fausseté de cette croyance apparaît clairement lorsque l'on comprend qu'elle implique qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait injuste car il force des gens à faire du bien pour les récompenser et qu'il force des gens à faire du mal pour les châtier. Quant au deuxième choix, qui était que l'homme agit de son propre gré, même si cela contredit ce qu'Allah a prédestiné. Donc eux, ils ont été à l'opposé des premiers. Ils ont été à l'opposé des premiers. Les premiers, ils ont dit l'homme n'a aucun choix. Tout ce qu'il fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a imposé. Et qui l'y a contraint. Et qui l'y a forcé. Eux, ils ont dit non, c'est le contraire. L'homme, il fait ce qu'il veut. L'homme fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné cela. Allah n'a pas prédestiné ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que cet homme a fait. Cette croyance, c'est la croyance des Qadarites, une autre secte égarée. La croyance des Qadarites. Ils ont été appelés Qadarites car ils ont nié le destin. Car ils ont nié le destin. Et leur croyance que je viens de citer, comme quoi l'homme agit de son propre gré et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné ses actes, leur croyance, elle implique donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala serait ignorant de certaines choses et qu'il arrive dans sa création ce à quoi il ne s'attendait pas. Si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prédestiné ce que l'homme a fait, ça implique donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su ce que cet homme allait faire jusqu'à ce que cet homme le fasse. Et ceci donc également est totalement faux, car nous savons bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms sublimes, il y a El-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, cite ce nom. Et il nous dit qu'il est El-Alim, l'omniscient. Il nous dit, Wa huwa bi kulli shay'in alim, qu'il est savant de toutes choses. Et il nous dit également, à la fin de la sourate, At-Talaq, la sourate, le divorce, numéro 65, au verse, dans les deux derniers versets, ou plutôt dans le dernier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement qu'il sait tout. Il dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahun لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. C'est-à-dire, Allah est celui qui a créé sept cieux et autant de terres. Son ordre descend entre eux afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah a englobé toute chose de sa science. Et également, les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les messagers, Allah nous rapporte de plusieurs messagers. Il nous rapporte d'Ibrahim, alayhi salam, qui dit « Wasi'a Rabbi kulla shay'in ilma » Mon Seigneur a englobé toute chose de sa science. Et il nous a rapporté, Allah nous a rapporté de Moussa alayhi salam, qu'il a dit, Innama ilahukumullah, alladhi la ilaha illa huwa, wasi'a kulla shay'in ilma. Hein? Certes, votre Dieu est Allah, celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Il a englobé toute chose de sa science. Et également Shu'aib, alayhi salam, qui dit Wasi'a Rabbuna kulla shay'in ilma. Notre Seigneur a englobé toute chose de sa science. Et les anges qui disent dans leur invocation pour les croyants, en invoquant pour les croyants, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants en lui disant Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ô notre Seigneur, tu as englobé toute chose de ta miséricorde et de ta science. Puis ils invoquent pour les croyants. Donc, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala de toutes choses et entre dans les choses, les actes de ses créatures, est une preuve, donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce que ces créatures allaient commettre. Et que donc, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a su, et ici, je vais revenir sur les quatre points du qadar, les quatre points du destin, les quatre points qu'inclut la foi au destin. Le fait de croire au destin, ça inclut quatre choses, nous avons dit. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver dans les cieux et sur terre. Il l'a su. Tout ce qui allait arriver dans les cieux et sur terre, comme bien et comme mal. De toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala l'a su. Et celui qui rejette cela, celui qui nie cela, il a certes mécru. S'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas su tout ce qui allait arrivé, il a mécru car il a ici blasphémé contre Allah subhanahu wa ta'ala en le qualifiant d'ignorant. C'est une qualification d'ignorance qu'il a proféré contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver dans les cieux et sur terre, et tout ce que ces créatures allaient faire, comme bien et comme mal. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su, il l'a écrit. Il a su que telle personne allait faire telle chose, tel jour à telle heure, et il l'a écrit. Que ce soit un bien ou un mal. Il n'a pas obligé cette personne à le faire. Il a su qu'elle allait le faire. Il a su qu'elle allait le faire. Donc il l'a écrit. Puis il a voulu, troisièmement, le troisième point, il a voulu que cette chose, hein, il a voulu que tout ce qu'il avait su et tout ce qu'il avait écrit, il a voulu que ça arrive. Il a voulu que ça arrive. Même s'il ne l'aime pas, il a voulu que ça arrive, et on revient encore à ce que je disais tout à l'heure, que même le mal qui arrive, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il arrive, et il y a dans cela une sagesse, parmi lesquelles le fait de quoi ? De que le bien se distingue du mal, et que les gens de bien se distinguent des gens du mal. Et enfin, quatrièmement, le quatrième point qui inclut la foi au destin, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a créé tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala a su tout ce qui allait arriver, il a écrit tout ce qui allait arriver, il a voulu tout ce qui va arriver, et il l'a créé, il l'a fait exister, il l'a fait arriver. Chaque chose est arrivée au moment voulu et au moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a su que cette chose allait arriver à ce moment-là. Donc si tu as compris cela, tu as compris que si Allah subhanahu wa ta'ala a su les actes que tu allais commettre, donc ce n'est pas possible que ça contredise ce qu'il a prédestiné, ce qu'il a écrit. Et c'est pour cela donc que la bonne réponse à cette question était la troisième. Et alhamdoulillah, la grande majorité d'entre vous ont donné la bonne réponse, et qui est que l'homme a le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre, mais ses actes ne sortent pas de ce qu'Allah a prédestiné. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme donc une volonté et une capacité à agir. Hein? L'être humain, il sait quand il fait une chose par de son choix, hein? Quand il fait une chose par choix et quand il fait une chose parce qu'on l'y a contraint, parce qu'il est obligé et qu'il ne peut pas empêcher cette chose. Donc l'homme a un libre arbitre et il a une capacité qu'Allah subhanahu lui a donnée. Et la preuve de cela dans le Coran, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la sourate à la fin de la sourate At-Takwir, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Parce qu'il parle du Coran et qui dit in huwa illa dhikrun lil alamin, ce n'est certes qu'un rappel pour l'univers. Liman sha'a minkum an yastaqim, pour quiconque parmi vous veut suivre la rectitude. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Mais vous ne pourrez vouloir que si Allah le veut, lui le Seigneur des mondes. Donc dans ces trois derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que l'être humain a une volonté. Il dit لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ, pour celui parmi vous qui désire, qui veut se mettre dans la rectitude. Le Coran a été descendu pour que celui qui veut se mettre dans le droit chemin le fasse, et celui qui ne veut pas, eh bien, il ne le fera pas. Donc, il a remis cela à la volonté de l'homme, la volonté qu'il a créée dans l'homme. Puis, il nous dit, mais vous ne pourrez vouloir que si Allah l'a voulu. C'est-à-dire, si cela entre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné. Donc tu ne peux pas sortir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, il a écrit par rapport à ce qu'il a su de toi. Il a su que tu allais faire telle ou telle chose, que tu allais suivre tel ou tel chemin. Et il l'a écrit. Mais toi, en tant que créature, tu ne sais pas ce qui est écrit. Donc lorsque tu es face au choix de prier ou de ne pas prier, c'est à toi de prendre ta décision. Et une fois donc que tu as pris ta décision et que tu as fait l'acte, que tu as prié, là maintenant, on sait que c'était ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'avait prédestiné. Et celui qui ne prie pas, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'il n'allait pas prier cette prière. Donc voilà en gros l'explication que je voulais donner sur ces quelques points. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et de nous faciliter l'accomplissement des œuvres pieuses, des œuvres vertueuses. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.